Chapitre 16. Jean se mit en rude colère. Le frère Siméon se trouva, pour le calmer, fort dépourvu, car il n'avait pas d'autres arguments à lui offrir que de raison, tandis que la colère s'exaspère d'avoir tort. Il lui contait en vain que son âge ou son costume lui valut quelque déférence. La colère écarte le respect comme un obstacle et passe. Jean repoussa les arguments, puis repoussa le frère Siméon lui-même, et, brusque, prit le chemin par lequel il avait vu le bonhomme arriver. Il lui vit grimper un escalier. Son allure était d'un fol, mais d'une absurdité apparente, à une adresse et à des chances qu'elle ne mérite pas. Jean bouscula les gens qu'il rencontra. Il ouvrit une porte qui donnait sur la chambre des femmes. Il s'arrêta. Michel était en face de lui. Elle le vit une seconde et, sans retard, elle amena sur son visage un voile qu'elle fit monter de ses épaules à ses cheveux et descendre plus bas que sa bouche. Elle ne dit pas un mot. Jean s'écria « Michel !» Et elle ne répondit pas. Jean, qui avait éconduit lestement les remontrances du frère Siméon, subit le prestige de Michel, silencieuse. Les femmes éparpillées dans la chambre s'approchèrent, les unes alarmées, les autres évidemment résolues à défendre Michel, si l'intrus faisait mine d'être mauvais. Ce ne fut pas cette garde farouche qui intimida le fol et amoureux. Michel, voilé, suffisait à lui rabattre son effronterie, de sorte que Michel et Jean furent tout près l'un de l'autre, et par la seule initiative de Michel, plus séparés que les précédents jours, qu'il y avait de lui à elle la distance des routes longues et incertaines. Le frère Siméon n'aurait pu rivaliser de vitesse avec un si ardent jeune homme. Il l'avait suivi de son mieux, et quand il l'eut rejoint, ses craintes étaient grandes. Ses craintes et aussi l'espoir inavoué qu'à la vue de Jean, Michel eut renoncé à ses contraintes. Il regarda Jean et Michel avec beaucoup d'étonnement. Ni l'un ni l'autre ne bougeait. Mais Jean soufflait comme une bête qui, après avoir couru, tombe en arrêt devant une impossible capture. Michel ne donnait sous son voile aucun signe de vivre et cependant vivait d'une si intense manière que toute la vie environnante se heurtait à ses volontés, comme se brisent les rayons de la lumière à la surface mobile de l'eau. Jean balbutia « Michel, Michel !» Sa voix était courte et sa plainte éperdue tombait dans l'espace qu'il y avait de lui à Michel. Le frère Siméon, qui le voyait en douceur de chagrin, l'emmena. Les femmes qui étaient auprès de Michel, sa garde inutile, l'avertirent de ce départ. Elle rejeta son voile sur ses épaules et son visage reparut tel qu'auparavant, joli de sérénité. Elle reprit sa tâche accoutumée. L'on ne l'eut pas interrogée, voire elle abolissait la curiosité, par son air tranquille et ordinaire. Jean suivit le frère Siméon si docilement que le bonhomme en était émerveillé. Mais quand ils furent en bas et que le bonhomme eut aimé à laisser Jean partir sans plus d'esclandre, voici que Jean perd tout ce qu'il avait de soumission, retourne à se fâcher, s'emporte à un excès de langage indigne de lui et de son amour. C'est pour l'amour de Michel, en définitive, que son cœur a tant de peine. Et cependant, il invective contre sa bien-aimée, lui reproche d'être méchante et fausse, lui reproche d'être infidèle. Et, dit le frère Siméon, une infidélité qui mène à Dieu, l'âme qui nous délaisse mériterait un autre nom. Tu n'appellerais pas Dieu ton rival, ou tes paroles seraient imprudentes. Déjà le frère Siméon se repentait d'avoir donné à cette juste remarque le ton de quelque sévérité. Jean se récria. Vous l'approuvez? Je m'en doutais. Avouez-le donc. C'est vous qui, d'une gaie jeune fille, avez abominablement fait. Quoi ? Demanda le frère Siméon. Car Jean hésitait à le dire. Quoi ? Une nonne ? C'est vous qui l'avez entichée de Baliverne et me l'avez prise pour le couvent ? Moine qui recrutait les nonnes ? Ah, je vois clair, à présent. Toutes vos histoires de fin du monde ne sont que farces et des appôts à tromper les petites âmes crédules. Vous êtes malin et par vos finesses, vous enrichissez les couvents. Les riches vous apportent leurs trésors, tout. De même que vous, à Michel donner sa jeunesse. Vous l'avez faite nonne et servante. » Le frère Siméon se fut disculpé. Jean refusa de l'entendre, et comme il déblatérait sa rancune avec trop de violence et un éclat de voix inimitable, un vieillard eut vainement essayé d'en faire autant. À petits pas discrets, le frère Siméon se retira.